I am human and I need to belong. pluie comme un été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine. Sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne puisse aussi longue. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Correct! No! Et non, vous vous êtes pas trompé, vous êtes bien à Mélomane sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ ou encore en direct sur CFNJ.net. De partout dans le monde, Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 4 novembre au soir 2020. Où on va s'attarder ce soir, vous l'aurez probablement déjà compris, aux années 80. Un mélomane 100% années 80 ce soir, tel qu'annoncé dans le groupe Facebook de l'émission d'ailleurs. Partagez-moi donc ça, tous autant que vous êtes, ce beau petit groupe-là. Mais bref, petit élan de nostalgie comme ça ce soir, question de se replonger dans une époque où le Spraynet faisait des ravages. Donc, on se consacre à cette décennie-là, un petit peu comme on avait fait pour les années 90, il n'y a pas si longtemps de ça. Il va y en avoir d'autres, hein, soit dit en passant. À chaque fois, il y a tellement plein de chansons que j'aurais aimé vous faire jouer, mais ça nous donne une raison de plus de faire d'autres émissions spéciales du genre. D'ailleurs, ce soir, ça fait pas exception, mais je pense qu'il y a beaucoup de belle musique au programme. Déjà, notre bloc ici qui s'est terminé en France avec un groupe qui, malgré qu'ils se soient fait dire à leur début qu'ils étaient juste une mauvaise copie de The Cure ou que leur chanteur Nicolas Sirkis chantait faux ou quoi d'autre encore que leurs détracteurs, probablement jaloux de leur succès, pouvaient bien trouver à dire, ça n'a pas empêché le groupe Indochine de faire la première partie de Dépêche Mode. Et de tout à coup devenir un des rares groupes français à pouvoir autant s'exporter en dehors du pays. Et on les a entendus ici avec le classique « Trois nuits par semaine » en 1985, chose qui suivait la même année, Robert Tepper, qui est ni plus ni moins ce qu'on va appeler un bon vieux « One-Hit Wonder ». Mais reste que, tant qu'à être un One-Hit Wonder, il ne pouvait pas rêver de mieux, parce qu'il y en a certainement qui ont reconnu la chanson « No Easy Way Out », comme faisant partie intrinsèque du film Rocky IV, où Rocky Balboa va affronter le russe Ivan Drago sur un fond zéro subtil de guerre froide. C'est normal, ça faisait partie des préoccupations de l'époque dans les années 80, tout comme on en a pas mal aujourd'hui, des préoccupations. Mais bref, pour en revenir à la chanson, non seulement elle faisait partie de la trame sonore, mais on ne pouvait pas rêver d'un meilleur spot pour de la promo, parce que la chanson, pour ceux qui s'en rappellent, jouait intégralement dans une espèce de long vidéoclip en plein milieu du film. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça par la suite. C'est pour ça que je dis que Robert Tepper a tout de même été très chanceux, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'autres aussi gros succès. Et ça, ben, on a entendu ça juste après une de mes pièces préférées de la période de synth-pop, directement de Stockholm, les Suédois de Secret Service avec la très épique Flash in the Night de 1981 qui, selon moi, n'est pas sans avoir inspiré une certaine Final Countdown quelques années plus tard. On a aussi entendu Devo, un groupe complètement unique, très bizarre par moments, vraiment à l'image de la première vague de New Wave, où tous les groupes étaient un peu weird. Là, on pense entre autres à des B-52s, par exemple. Et Devo, ben, on les a entendus avec certainement leur plus gros hit, soit Whip It, ou comme dirait Stewie dans Family Guy, Whip It. Et ce, en 1980, pile, tout comme le groupe Visage, juste avant, avec la magnifique qui est très en avance sur son temps, Fade to Grey, Devenir Gris, un groupe qui va se former en 1978, un an tout juste après la fameuse vague punk UK en 77. D'ailleurs, c'est important de comprendre que ce soir, on va entendre beaucoup de musique qui aurait probablement jamais existé sans l'avènement du punk, aussi surprenant que ça puisse paraître aux premiers abords. Et c'est le cas pour Visage, qui se forme donc en 78 au Royaume-Uni et qui va être étroitement associé à un sous-genre qu'on va appeler le New Romantic, dont vont faire partie des groupes que vous connaissez, comme par exemple Duran Duran, A Flock of Seagulls, Talk Talk, Spandau Ballet, Ultravox, et j'en passe évidemment, Culture Club avec Boy George aussi. Mais Visage était quand même en avance sur leur temps avec Fade to Grey, qui elle-même suivait The Smiths, un des groupes les plus importants des années 80, qui vont beaucoup ramener la guitare à l'avant-plan à une époque où les synthétiseurs dominent. Et ça, ben, c'est beaucoup grâce au guitariste Johnny Marr qui va inspirer des légions de groupes apercevoir la guitare différemment. Et ça, ben, ça va donner la naissance à ce qu'on pourrait appeler l'alternatif, même si c'est un terme très large. Et c'est définitivement un des genres qui va le plus dominer dans les années qui allaient suivre, les années 90, entre autres. On a entendu, bien sûr, leur plus gros hit, How Soon Is Now, de 1984, qui suivait le grand compositeur Alan Silvestri, dont vous avez entendu la musique peut-être sans savoir dans des centaines de films. Mais ce thème-là, il y en a plusieurs parmi vous qui l'ont reconnu comme étant celui de Back to the Future, certainement une des meilleures trilogies de tous les temps, signée Robert Zemeckis, qui avait dit d'ailleurs à Alan Silvestri, « Je ne sais pas ce que je veux exactement, mais ce que je sais, c'est qu'il faut que ça soit big. » Et ça était big, trame sonore du Back to the Future Trilogy. Une musique qui était, à ma foi, tout à propos. Parce que ce soir, c'est Mélomanes à 80, au 99.1 et 88.9, CFNJ. It's like murder. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Make you Comme c'est merveilleux les vacances. Laisser la routine derrière soi, voir du pays, faire de nouvelles connaissances. Malheureusement, la mauvaise haleine, elle n'en prend pas souvent de vacances. C'est pour ça que j'apporte toujours des chlorettes. Comme elles contiennent de la rétine et de la chlorophylle, les chlorettes enrayent la mauvaise haleine et gardent la bouche bien fraîche toute la journée. Chlorette, c'est vraiment plus que du bonbon. Just died in your arms tonight. Quelques nuages pour la nuit prochaine, minimum de 0 à 2 degrés. Du soleil jeudi, maximum de 12 à 16 degrés. Et ça va demeurer beau et chaud vendredi, du soleil, 11 à 15 degrés. CFNJ 99 A 88 9. Et c'est à Méloman que ça se passe ce soir, avec une émotion, oui, mais une émission surtout. Entièrement consacré aux années 80, qui sont effectivement pleines d'émotions, décennies très hautes en couleurs, comme pouvant témoigner la coiffure ébouriffée de la chanteuse Sandra Dorion en 1986 au sein de son groupe Nuance, qu'on vient tout juste d'entendre avec Vivre dans la nuit, certainement leur plus gros succès en carrière, qui va d'ailleurs se vendre à plus de 70 000 exemplaires. Disons qu'on est loin de notre époque Spotify. Et ils vont remporter à la disque cette année-là le Félix de la découverte de l'année. Et l'année suivante, en 87, ils vont aussi gagner le Félix du groupe francophone de l'année et aussi celui du 45 tours le plus vendu. Donc deux grosses années pour Nuance qu'on a entendu ici juste après Cutting Crew avec leur méga hit I Just Died in Your Arms, sorti sur l'album... Sur leur album en 86, mais qui va connaître plus de succès en 87, un peu comme pour Nuance dont on vient de parler. Et la chanson, elle, I Just Died in Your Arms, qui ferait référence à ce qu'on appelle la petite mort, une métaphore qu'on utilise parfois pour désigner l'orgasme. Vous l'aurez appris à Méloman. Et aussi, on a déterré ce soir une vieille pub d'à peu près les mêmes années, d'une gomme qui n'existe malheureusement plus à ma connaissance, la Clorets, qui est beaucoup plus que du bonbon. Et le tout avec l'inimitable voix du regretté Albert Miller, qui était sans pareil comme acteur, mais aussi tout simplement comme narrateur. Et sa voix, ben on l'a entendu ici juste après un autre gros hit de 85 par Mr. Mister, cette fois-ci avec Broken Wings, qui elle-même suivait la seule et unique Bonnie Tyler, qu'on connaît beaucoup pour des chansons comme It's a Heartache à ses tout débuts vers la fin des années 70, et bien sûr la suite épique de Total Eclipse of the Heart. Mais là, je voulais faire un changement un petit peu, mais ça n'a pas été moins épique pour autant. Une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Holding Out for a Hero, très intense, une chanson qu'on pouvait retrouver sur la trame sonore du film à succès Footloose, avec ce cher Kevin Bacon en 1984. Chose qu'on a entendue juste après Tears for Fears à leur tout début avec Pale Shelter, dont on a entendu la version qu'on pouvait retrouver sur l'excellent album The Hurting. Très bon album que je vous invite à découvrir d'ailleurs. Bon au complet, c'est là-dessus que vous pouvez entre autres retrouver la version originale de la chanson Mad World qui va être repopularisée par Gary Jules des années plus tard. Et tout ça amorcé par qui d'autre que les mauvais garçons des années 80 en personne, dont on a pu récemment suivre les déboires sur Netflix avec The Dirt, Motley Crue avec Too Young to Fall in Love de 1983. Et là, ben c'est en 82 qu'on s'en va, toujours en plein méloman 80 ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put

Christmas on a sunny afternoon. Get to you. Thank you. to me and we're laughing with love at it all. Look at our life now, all tattered and torn. We fuss and we fight and delight in the tears and we cry until dawn. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she teases.

une gaieté comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs, quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, mettre entre les mains, montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi, tu vois ça ne s'achète pas. Spécial 80 ce soir sur les ondes CFNJ 99.1, 88.9 avec un gros hit de France Gall qui a décidément un pied dans chaque décennie, et du moins les années 60 avec Gainsbourg et compagnie, les années 70 où va arriver son futur mari Michel Berger à qui on doit Starmania ici au Québec entre autres. Et là les années 80 en plus, plein de trucs pour elle au début de la décennie, mais là en plus, en 87, arrive le méga succès Ella, Ella, en hommage à la grande dame du jazz, Ella Fitzgerald. Et là, qui dit 1987 dit que ça va s'étirer aussi dans les années 90 comme succès. Une chanson qui, somme toute, vieillit très bien, tout en représentant quand même très bien son époque aussi en même temps. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, je suis toujours de bonne humeur quand j'entends cette chanson-là partir. Tout comme celle qu'on a entendue juste avant, c'est bien difficile d'être de mauvaise humeur quand on entend « Live is life » et non pas « Life is life ». Gros, gros hit pour le groupe autrichien Opus en 1985, qui était précédé ici par Kim Carnes, qui a fait toutes sortes de choses magnifiques dans les années 80 avec sa belle voix rauque, la Rod Stewart, un peu, ou même Bonnie Tyler, qu'on a entendu tantôt. Mais c'est beaucoup pour son succès Betty Davis Eyes de 1981 qu'on se rappelle d'elle. Une chanson que je vous invite à écouter si vous avez une chance en lisant les paroles, parce que ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très bien écrit. Ça utilise des techniques d'écriture qu'on va voir utiliser dans le rap quelques années plus tard, des paroles gracieusetés de Jackie DeShannon, à ma grande surprise en faisant des recherches, une autrice, compositrice, interprète qu'on connaît plus pour la version définitive de « What the world needs now is love » du compositeur Burt Bacharach. « What the world needs now is love, sweet love. » De qui, Burt Bacharach, je n'ai de cesse de vous parler et à qui il faudrait bien rendre un hommage, un de ces quatre à l'émission, arrêter de dire et de faire. Et juste avant tout ça, ben, c'est les Thompson Twins qu'on a pu entendre avec Hold Me Now, gros hit de 84, qui suivait un an auparavant la formation de Romantics avec la très catchy Talking in Your Sleep. Les Romantics qu'on connaît aussi pour la chanson What I Like About You. Et sinon, ben, on a aussi entendu le groupe italien Baltimora avec Tarzan Boy, qui d'ailleurs évoque justement le fameux cri de Tarzan dans son célèbre refrain qu'on pouvait entendre à partir de 1985, pour qu'ensuite disparaisse tranquillement le groupe Baltimora qu'on a entendu juste après. Un beau souvenir d'enfance. Esteban Zia Tao, le magnifique thème des mystérieuses cités d'or, la fameuse série de dessins animés franco-nippo-luxembourgeoise qui va faire ses débuts en 82, mais à partir du 22 septembre 1984 à la télé de Radio-Canada, et dont le thème, parce que c'est du très beau thème dont on parle ici, a été composé par Shuki Levy, un compositeur israélien qui, sans vous en rendre compte, a peut-être littéralement bercé votre enfance, parce qu'il a composé, et là, tenez-vous bien, parce que c'est une mine d'or, la musique de la série Lucky Luke, Les Maîtres de l'Univers, He-Man et compagnie, Inspecteur Gadget, Mr. T, musique du film Les Dalton en cavale, donc Lucky Luke encore, Punky Brewster, Les Puppies, la série Ghostbusters, Denis la Malice, Dennis the Menace, Alf, le fameux espèce d'extraterrestre mi-cochon poilu bizarre. Dragon Ball Z, les X-Men. Et là, dites-vous que j'en passe parce que la liste serait très longue. Donc, à retenir, Shuki Levy, un monsieur à qui certains d'entre nous doivent énormément souvenir d'enfance sans le savoir. Et c'est pas tout parce que le parolier des Cités d'Or, ben, c'est monsieur Haïm Saban. Et grosso modo, c'est lui qui faisait les paroles sur pas mal tous les projets du monsieur Lévy dont on vient de parler. Donc, une équipe du tonnerre, le dynamique duo qui a bercé nos enfances et qu'on a entendu juste après une vieille chanson qui nous vient d'Irving Berlin en 1927, une chanson qui s'appelle « Putting on the Ritz », un standard qui a été chanté par tout le monde, de Fred Astaire en passant par Judy Garland, Benny Goodman, Ella Fitzgerald dont on a parlé tantôt. On pouvait aussi l'entendre dans Young Frankenstein, ou Young Frankenstein plutôt, on devrait dire, film de Mel Brooks de 1974 avec Gene Wilder. Bref, la liste est longue encore une fois. Mais dans les années 80, c'est Taco, un chanteur néerlandais originellement né à Jakarta en Indonésie, qui va l'immortaliser pour une nouvelle génération en 1982. Mais là, c'est en 1981 qu'on s'en va toujours en plein mélomane 80. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Now everybody, have you heard? If you're in the game, well, then the stroke's the word. Don't take no rhythm. Don't take no style. Got a thirst for killing. Grab your vial, yeah. Woo! Put your right hand out. Give a firm handshake. Talk to me about that one big break. Spread your ear pollution, both far and wide. Keep your contributions by your side. Stokely, Stokely could be a winner, boy, and move quite well. Stokely, Stokely, Stokely, Stokely, you got your number down. Put your left foot out. Keep it all in place. Work your way right into my face. First you try to bend me and make my backbone slide. But when you find you bled me, just a sit down. Show! Show! domani capo che storo patto. Domani capo che storo patto, ma capo di madre. Domani capo che storo patto, di nessuno ci ridà. You're wondering who I am. Secret, secret, I got a secret. Machine or mannequin. Secret, secret, I got a secret. With parts made in Japan. Secret, secret, I got a secret. I am the modern man. I've got a secret I've been hiding under my skin. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide, to keep me. What you see, I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not a savior, forget what you know. Kill! voyage, voyage. Et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. been drawn. C'est déjà ce qui vient conclure notre soirée années 80 Mélomanes, toujours sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. En fait, on est en ce moment dans l'illégalité absolue. D'après moi, Claude va me chicaner. Bref, tout ça qui s'est terminé sur Drive, chanson incontournable du groupe de Cars en 1984. Chanson très évocatrice de l'époque qui suivait une autre incontournable, Desireless, alias Claudie Fridge Mantrop, je ne sais pas si je prononce bien, chanteuse française à la coiffure complètement unique, qui va connaître un succès incroyable avec Voyage, Voyage, chanson composée par Jean-Michel Rivat et Dominique Dubois, qui avait, imaginez-vous, Michel Delpech en tête pour un interprété originalement, celui qu'on connaît pour les divorcés et pour un flirt. L'histoire aurait été complètement différente. Et là, faut qu'on se dépêche, faut qu'on se réforme. Mais que voulez-vous, ce soir, l'année 80, c'est la folie. Tout le monde est complètement survolté. D'ailleurs, faut que je souhaite bonne fête à Julie Gagnon, qui demain aura un âge dont on taira le chiffre. Mais bref, des gens qui aiment peut-être les années 80, ça vous donne une idée des années un peu. On souhaite bonne fête à Julie Gagnon pour demain. Et bon, on parlait de Desireless, ben c'est elle qui va avoir la chance d'interpréter en 86, une grande chanson des années 80, à la ligne mélodique très particulière qu'est Voyage, Voyage, qui était précédé ici le Styx, groupe des années 70 qui a su se réinventer dans les années 80. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde, avec Mr. Roboto de 83 qui suivait Ozzy, qui lui aussi s'est réinventé à maintes reprises après Black Sabbath. On l'a entendu une fois bien installé dans les années 80 avec A Shot in the Dark, qu'on pouvait retrouver sur l'album The Ultimate Sin de 1986. Et tout ça amorcé par Billy Squire et son gros hit de 1981 de Stroke, que certaines danseuses exotiques des années 80 se sont souvent appropriées. Et nous, ben, on se dit à mercredi prochain, 20h, pour un autre Mélomane. Et d'ici là, ben, oubliez pas mes petites sélections des nuits classic rock, tous les soirs à partir de minuit. Tout ça au 99.1 et 88.9 CFNJ. We'll be right back. face for a long time. It's always the same. I studied the cracks and wrinkles. You were always so vain. But now you live your life like a shadow in the pouring rain. Somehow it's become unmentionable.